demanda Fourcy lorsqu'elle revint près de lui. « Non, il t'aurait fatigué. »« Et que voulait-il ? Prendre de tes nouvelles. » »« Voilà qui est vraiment aimable de sa part, lui qui sacrifie si peu à la politesse. » Le soir, en rentrant, Lucien rendit compte à son père de ce qui s'était passé à la maison de banque pendant la journée. Tout avait marché avec la régularité ordinaire. Mais pour lui, il avait été surpris par une dépêche qu'il avait reçue de Dieppe. Cette dépêche était de Robert, qui annonçait qu'il allait faire un voyage en Angleterre. Parti à l'improviste, sans avoir pu revenir à Nogent, il priait Lucien de l'excuser auprès de M. et Mme Fourcy. « Du coup, il est parti ?» s'écria Marcel. « Bon voyage !»« Quand il reviendra, » dit Fourcy, « tu verras comme il sera aimable. » Chapitre 28. La dernière corvée que Madame Fourcy s'était imposée était d'aller chercher les 100 000 francs que Ladret lui avait promis. Elle eût bien voulu la retarder et rester à Nogent auprès de son mari, mais elle ne pouvait pas laisser passer le délai qu'elle avait fixé elle-même à Ladret. C'était pour le samedi qu'elle était censée avoir besoin de cet argent. Elle ne pouvait donc pas attendre au lundi ou à un autre jour. Il lui eut demandé comment elle avait pu effectuer son paiement sans le gros appoint qu'il lui apportait. Et la réponse eût été difficile, sinon impossible. Et puis il avait l'argent aux mains et il fallait coûte que coûte mettre l'occasion à profit. Ce n'était pas avec lui qu'on pouvait dire que ce qui est différé n'est pas perdu. Elle partit donc en promettant d'être absente aussi peu de temps que possible. « Ne te presse pas, » dit Fourcy, « je suis bien, et je vais descendre au jardin où Marcel me tiendra compagnie. Tu ne me laisses pas seule. » Après le départ de sa femme, il alla, comme il avait dit, s'installer dans le jardin. Le temps était à souhait pour un malade, ni trop chaud ni trop frais, tempéré par une douce brise qui vivifiait l'air. Il s'allongea dans un fauteuil, les pieds sur une chaise, et Marcel, s'étant assise auprès de lui, reprit haut la lecture d'un livre qu'elle avait commencé le matin. Soit que le livre ne fût guère amusant, soit que le grand air produisît un effet assoupissant sur lui, au bout d'un certain temps il s'endormit. Marcel lut encore quelques instants, puis elle baissa la voix progressivement, puis enfin elle se tut. Pendant assez longtemps, elle resta sans bouger, mais la femme de chambre s'étant avancée pour lui parler, ce fut elle qui se dérangea et qui, marchant doucement sur la pointe des pieds, alla au-devant de la domestique. Il s'agissait d'une armoire à ouvrir. Alors, ayant bien regardé son père, elle entra dans la maison. Il dormait toujours, et comme du balcon elle pouvait le voir à la place qu'il occupait, elle crut qu'elle pouvait, sans inconvénient, le laisser seul pour quelques instants. À peine était-elle entrée dans la maison que la jardinière, qui était en même temps la concierge, s'avança vers Fourcy, précédant un jeune homme assez élégamment vêtu, qui portait à la main un petit paquet enveloppé de papier blanc. Au bruit de leurs pas sur le sable, Fourcy s'éveilla. « Qu'est-ce que c'est ?» Le jeune homme s'avança. « Mon Dieu, monsieur, je suis vraiment fâché de vous avoir éveillé, mais je ne savais pas que vous dormiez. On m'avait dit que vous étiez dans le jardin, vous reposant, et comme je ne pouvais pas laisser en des mains étrangères ce que j'apporte à Madame Fourcy, qui est absente, j'avais cru que je pouvais demander à vous voir. Je vous fais toutes mes excuses. » « Ce n'est rien. » Et Fourcy tendit la main pour prendre le petit paquet que le jeune homme lui remit. Il était assez léger, ce paquet, et de forme ronde. Sous le papier de l'enveloppe, on sentait un couvercle bombé. En tout, cela avait assez l'air d'une boîte de bonbons. Fourcy, l'ayant pris, le déposa négligemment sur une chaise à côté de lui, tandis que le jeune homme le regardait avec surprise. À ce moment, Marcel parut dans le jardin, sur le perron de la maison. Mais voyant son père avec quelqu'un et pensant qu'il était en affaires, elle n'avança pas. « Et de la part de qui dois-je remettre cette boîte à ma femme ?» demanda Fourcy. « De la part de messieurs Marche et Chabert, bijoutiers. »« Très bien. Je réitère mes excuses à monsieur pour l'avoir dérangé, mais je ne pouvais vraiment pas laisser un objet de cette valeur entre les mains d'une domestique. » Ce fut au tour de Fourcy de regarder le jeune commis avec surprise. Alors celui-ci, se méprenant sur la cause de cette surprise, se hâta d'ajouter. « Je n'ai certes pas l'intention de mettre en doute la probité de cette domestique, mais je n'aurais pas osé lui confier cet écrin que messieurs Marche et Chabert m'avaient recommandé d'ailleurs de ne remettre qu'à madame Fourcy. Mais madame ou monsieur, c'est la même chose. » « Vous avez une facture ?» demanda Fourcy. « Oui, la voici. » Et le commis tira de son portefeuille une facture sur papier rose. Elle était simplement pliée en deux et non sous enveloppe. Fourcy l'ouvrit, le total lui sauta aux yeux et lui fit pousser un cri. « Qu'est-ce que cela ?»« La facture de réparation du collier ?»« On a fait erreur ?»« Je ne crois pas, mais si monsieur a des observations à faire, je vais en prendre note. » Je ne dois pas toucher la facture qui n'est pas acquittée. Je puis assurer monsieur qu'on s'est conformé en tout aux recommandations de madame. Les deux diamants qui ont été changés sont repris au prix qui a été convenu. Et ceux qui ont été mis en place ont été choisis par madame, qui en a accepté le prix. Le reste est pour le travail de réparation et fixé tout au juste, comme c'est l'habitude de la maison. Pendant ces explications assez longues, Fourcy avait eu le temps de se remettre et de se dominer. Il suffit. Le commis recommença ses excuses et il allait se retirer lorsque Fourcy le retint. « À combien estimez-vous ce collier ? » dit-il en montrant l'écrin du doigt. « C'est selon. » « Comment cela ? » « Je veux dire, est-ce pour en acheter un pareil ou pour vendre celui-là ? » « Pour en acheter un pareil. » « De 50 à 60 000 francs. » « Mais c'est un prix en l'air. Monsieur doit le comprendre. »« Parfaitement, je vous remercie. » Cette fois, le commis de messieurs Marche et Chabert s'en alla. Alors Marcel, qui le guettait, vint à son père. Mais brusquement, sur un ton qu'il n'avait jamais pris avec elle, celui-ci la pria de le laisser seul. Peinée, encore plus que surprise, elle le regarda. Il était pâle et ses mains tremblaient. « Tu es plus mal ? » s'écria-t-elle. « Non, laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi. » Elle n'osa pas insister, mais elle ne s'éloigna que de quelques pas et elle resta dans le jardin, de manière à ne pas quitter son père des yeux. Il voulait être seul pour réfléchir, pour raisonner, pour comprendre. Un collier de diamants de 50 000 francs appartenant à sa femme? Une réparation de 6 000 francs commandée par elle? Qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire? C'était à croire qu'il rêvait, ou que la fièvre lui donnait le délire. Et cependant, il était bien éveillé, en pleine réalité. Ce commis venait de lui parler. Il tenait entre ses mains ce collier. Alors, il cherchait. Mais il ne trouvait pas de réponse aux questions qui se pressaient, qui se heurtaient dans sa tête bouleversée. Il était vrai que sa femme aimait les pierreries et les bijoux, mais elle n'avait jamais eu que des pierres fausses. Comment ce collier valait-il 50 000 francs? Il y avait là quelque erreur, quelque mystère qu'il était fou de vouloir examiner tant que sa femme n'était pas là. D'un mot, bien certainement, elle lui expliquerait cela. Il fallait donc l'attendre. L'attendre sans chercher, sans se donner la fièvre, sans se laisser entraîner à des explications qui n'expliqueraient rien. Mais il avait beau se répéter cela, l'angoisse le dévorait. Alors il appela sa fille et la pria de reprendre sa lecture. Puis il lui dit de le laisser seul. Puis il la rappela encore. Marcel, en le voyant ainsi, avait été prise d'une inquiétude mortelle. Elle avait voulu envoyer chercher le médecin, mais il s'y était opposé. Sa mère n'arriverait-elle point à son secours? Mais elle se fit attendre longtemps encore, et comme la fraîcheur commençait à tomber, Fourcy remonta à sa chambre, toujours aussi agitée. Enfin, madame Fourcy arriva, et Marcel, qui avait l'oreille aux aguets, reconnut son pas dans l'escalier. « Voici maman. Laisse-moi avec ta mère. » Madame Fourcy entra vivement dans la chambre et elle courait à son mari pour l'embrasser. Quand, l'ayant regardée, elle s'arrêta. « Qu'as-tu ? Tu es plus mal ?» Il s'était dit qu'il l'interrogerait de telle et telle manière et il avait réglé les questions qu'il lui adresserait. Mais il oublia tout pour courir immédiatement à la question qui l'avait si horriblement angoissée. Comment as-tu un collier en diamant qui vaut 50 000 francs ? Elle resta syncopée, et ce ne fut qu'au bout de quelques instants qu'elle retrouva la parole. « Que veux-tu dire ? » balbutia-t-elle. « Un commis de messieurs Marche et Chabert t'a rapporté un collier. D'où te vient-il ? » Pendant qu'il parlait, elle avait eu le temps de se remettre et de réfléchir. Cependant, elle n'avait pas encore pu préparer sa réponse. « Ah, mon pauvre Jacques, » dit-elle, « dans quel état je te retrouve ? » « Ce collier !» Elle hésita. « Il y a là une erreur, n'est-ce pas ? » demanda-t-il d'un ton suppliant. « Explique-moi, parle !» Elle se décida. « Je vois bien qu'il faut tout te dire, si pénible, si honteux que cela soit pour moi. »« Mon Dieu ! Tu te souviens de toutes les difficultés que tu as opposées à M. Essery quand il a voulu que la maison Charlemont se charge de l'émission de son affaire d'Algérie ? Et tu te souviens aussi de toutes mes instances pour te décider à prendre cette émission. Eh bien, ce collier a été ma récompense. Monsieur Essery me l'a offert quelques mois avant sa mort. Et tu ne m'en as rien dit ? Je n'avais pas osé tout d'abord. Et puis, à mesure que le temps s'est écoulé, j'ai moins osé encore. Ah, j'ai bien souffert, je t'assure. Et je me suis demandé bien souvent si tu ne voyais pas que je te cachais quelque chose. Il me semblait que tu allais m'interroger. Et alors je me serais confessée, comme je me confesse en ce moment. » Il laissa échapper un profond soupir de soulagement, et l'attirant à lui, il l'embrassa. « Ah, Geneviève, quel mal tu m'as fait ! Appelle Marcel que je l'embrasse, car j'ai été bien dure pour elle, la pauvre enfant. Comme on est injuste et cruel quand on souffre !» Chapitre 29. Cette émotion ne devait pas être la seule de la journée. Après le dîner, Fourcy voulut que Lucien lui rendît compte de ce qui s'était passé à la maison de banque. « Cela va te fatiguer, » dit Madame Fourcy. « Tu as besoin de repos. » « Il est vrai que j'ai besoin de calme et grandement, mais le meilleur moyen de me le donner, c'est de m'assurer que tout est en ordre. J'endormirai mieux. Va, Lucien. » Et Lucien commença ses explications. Il avait apporté des lettres, des notes. Il les lut à son père, qui, couché dans son lit, écoutait attentivement, tandis que Madame Fourcy et Marcel, à l'autre bout de la chambre, travaillaient silencieusement autour d'un guéridon, sous la lumière de la lampe. Comme cela durait depuis assez longtemps déjà, Madame Fourcy s'approcha du lit. « Tu vas te fatiguer, » dit-elle. « Nous avons bientôt fini. Donne-moi le cahier des mandats blancs, une plume, de l'encre, et tout de suite après je dors. » Elle passa dans sa chambre, et presque aussitôt elle revint, apportant le cahier que son mari lui avait demandé. Alors celui-ci, s'asseyant sur son lit et se faisant donner un petit pupitre, se mit à remplir les souches restées au cahier en consultant et en copiant les pièces de caisse que Lucien lui tendait. « Et après ? » dit-il tout à coup. « C'est tout. »« Comment c'est tout ? » ?»« Bah, tu vois, » dit Lucien, en montrant la dernière pièce qu'il venait d'appeler. « Je suis au bout. »« Tu te seras trompé. Recommence. » Lucien recommença, lisant les pièces de caisse, tandis que Fourcy suivait sur les souches du cahier. « Tu vois bien qu'il manque un mandat, » dit Fourcy. « Tu m'en as donné 10 hier, 6 ce matin, en tout 16. Il y en a eu 17 de détachés du cahier. » Et Fourcy compta les souches. Puis, passant le cahier à son fils, « Compte toi-même, » dit-il. Lucien fit ce compte, et comme son père, il trouva 17. « Comment cela peut-il se faire ? » demanda-t-il. Fourcy ne répondit pas à cette interrogation. Mais d'une voix frémissante, il dit « Donne-moi le cahier et appelle toi-même les numéros d'après les pièces de caisse. » Vivement, Lucien fit ce que son père lui demandait. « Tu vois, dit celui-ci, que le mandat qui manque porte le numéro 30150. Il se trouve donc entre les 10 que je t'ai donnés hier et les 6 de ce matin. » « Voilà qui est extraordinaire, » murmura Lucien. « Cela est. » Madame Fourcy et Marcel s'étaient approchés du lit. Elles écoutaient ces paroles qui s'échangeaient rapidement, qui volaient entre le père et le fils. « Comment t'expliques-tu cela ? » demanda Madame Fourcy à son mari. « Je ne m'explique rien, je cherche, » répondit Fourcy. Et en même temps, il attacha ses yeux sur son fils, le regardant attentivement, le sondant. Sous ce regard, Lucien se troubla et un flot de sang lui empourpra le visage. « Tu ne m'as bien donné que 10 mandats hier, » dit-il. « Tu les as comptés toi-même et je les ai comptés aussi. Voici la note qui constate qu'ils ont été remis tous les 10 à la caisse. Pour aujourd'hui, voici celle qui constate la remise des 6 que tu m'as fait porter ce matin. » Il y eut un moment de lourd silence. Ni Fourcy ni Madame Fourcy ne regardaient leur fils. Seul Marcel tenait ses yeux tournés vers son frère. Ce fut seulement après quelques secondes, terriblement longues, que Fourcy reprit la parole, mais cette fois pour s'adresser à sa femme, et au premier mot qu'il prononça, il fut facile de voir qu'un travail s'était opéré dans son esprit et que d'une première idée à laquelle il n'avait pas pu se tenir, il était passé à une autre. « Hier matin, n'est-ce pas ? » dit-il. « Aussitôt après avoir signé les mandats, je t'ai remis le cahier ?»« Oui. Qu'en as-tu fait ? » ?»« Je l'ai porté dans ma chambre. » »« Tout de suite ? » ?»« Tout de suite. » « Et tu l'as enfermé dans ton petit bureau ?»« Oui. » »« C'est-à-dire que je l'ai mis sur mon bureau qui était ouvert à ce moment. » « As-tu fermé le bureau ?»« Oui. » « Tu n'en es pas sûr ?»« Oui, au moins, je le crois. »« Tout de suite ?»« Je crois que oui. En tout cas, je n'ai pas quitté ma chambre. Ou si je l'ai quittée un instant, ça a été pour venir dans celle-ci. »« Tu n'as pas oublié tes clés sur ton bureau ?»« Cela non, j'en suis certaine. »« Et ce matin ?»« Ce matin, je t'ai donné le cahier quand tu me l'as demandé. » Et je l'ai remise aussitôt dans le bureau. Tu l'as trouvé fermé quand tu as voulu prendre le cahier ? Fermé à 2 tours, je m'en souviens parfaitement. C'est incompréhensible, dit Fourcy qui se laissa aller sur l'oreiller. Tu vois, dit Madame Fourcy, tu vas te donner un violent accès de fièvre. Je t'en prie, calme-toi. Ce mandat ne peut pas avoir disparu tout seul. Il se retrouvera demain, sois-en certain. Il y a là quelque erreur, peut-être une niaiserie. « Veux-tu que j'aille à Paris ?» demanda Lucien. « Tu ne trouverais personne ce soir, » dit Madame Fourcy. « Il faut attendre à demain. Je t'en prie, Jacques. » Et par de douces paroles, comme on fait avec les enfants malades, elle s'efforça de le calmer et de le persuader qu'il devait dormir. Dormir. Il en avait bien envie, vraiment. Cependant, il ne répondit rien, et il parut se rendre aux raisons qu'elle lui donnait. Elle crut qu'elle l'avait convaincu. Et comme il ne parlait plus, elle pensa qu'il dormait. Alors, de peur de l'éveiller, ils sortirent tous les 3 de sa chambre. Mais il ne dormait point, et quels que fussent ses efforts pour se calmer, pour ne pas penser, il ne trouvait point le sommeil. Comment expliquer cette étrange disparition ? C'était la question qui l'agitait, la tournant dans tous les sens, l'examinant sous toutes ses faces, sans pouvoir la résoudre autrement qu'en admettant que ce mandat qui manquait avait été dérobé, qu'on l'avait détaché de la souche. Mais pour cela, il avait fallu qu'on eût le cahier entre les mains, et personne ne l'avait touché, à l'exception de sa femme et de son fils. C'était toujours là qu'il s'arrêtait, la tête en feu, le cœur serré, les entrailles tenaillées. Car enfin, malgré tout ce qu'il pouvait se dire, il y avait un fait qui l'écrasait de tout son poids et dont tous les raisonnements du monde ne pouvaient pas le débarrasser. Un mandat avait disparu. Les heures s'écoulèrent, le sommeil ne vint pas. Enfin, n'y tenant plus, il descendit doucement de son lit et, à pas étouffés, il alla écouter à la porte de la chambre de sa femme. Aucun bruit, sa femme dormait. Alors il passa une robe de chambre et, allumant une bougie à sa veilleuse, il ouvrit sa porte avec précaution, puis, marchant légèrement, il monta à la chambre de son fils qui était au second étage. La porte n'étant point fermée en dedans, il n'eut qu'à tourner le bouton pour entrer. Le bruit que fit le peigne dans la gâche réveilla Lucien qui se dressa vivement sur le coude et regarda, effaré, autour de lui, en homme surpris dans son premier sommeil. En voyant son père, pâle et les traits contractés, il poussa un cri. « Tu es plus mal ?» Il allait sauter à bas du lit, mais son père le retint. « Non, dit-il, j'ai à te parler. » Alors Lucien le regarda et il fut effrayé de l'altération de ses traits. Jamais il ne lui avait vu cette expression de souffrance et de désolation. « Tu n'aurais pas dû te lever, » dit-il tendrement. « Il fallait me faire appeler. Je serais descendu. Tu vas gagner effroi. Descendons ensemble. Tu te recoucheras et tu me parleras de dedans ton lit. Moi, je ne suis pas malade. » Le visage de Fourcy se détendit, mais ce ne fut qu'un éclair. « C'est du mandat, » dit-il, « que j'ai à te parler. « Tu as une idée ?» Fourcy hésita un moment. Puis, d'une voix basse, « Oui, » dit-il. « Eh bien. » Mais Fourcy ne parla pas. Pendant longtemps, il resta les yeux attachés sur son fils. « Il est certain, » dit-il enfin, « que le cahier n'a passé que par les mains de ta mère et par les tiennes. » « Eh bien ?» balbutia Lucien. Mais Fourcy ne put pas continuer comme il avait commencé, par déduction méthodique. Un élan l'entraîna. « Tu as toujours été un bon garçon, » dit-il, « honnête et loyal, mais tu es jeune, tu as pu céder à des suggestions. Tu t'es peut-être trouvé dans une position grave. »« Père !» s'écria Lucien haletant. « Oui, c'est ton père qui te parle, un père qui t'aime tendrement et qui trouverait, dans son amour paternel, » Mais Lucien ne le laissa pas continuer. « Toi !» s'écria-t-il. « C'est toi qui... » Déjà sous l'éclair du regard de son fils, Fourcy avait détourné les yeux dans un mouvement de confusion. Ce cri acheva de le bouleverser. Se jetant sur son fils, il lui posa la main sur la bouche. « Non !» s'écria-t-il. « Ne prononce pas ce mot que je n'aurais jamais dû prononcer moi-même. J'ai foi en toi, mon fils, mon cher enfant. » Et le prenant dans ses deux bras, il l'embrassa passionnément. Puis, lui passant la main sur les cheveux, avec un geste qui avait la douceur d'une caresse maternelle, « Pardonne-moi, » dit-il, « c'est la fièvre qui m'a affolé. » Ce fut Lucien qui, à son tour, le prit dans ses bras et l'embrassa. « Nous chercherons demain ensemble, » dit-il, « et nous trouverons. Pour ce soir, laisse-moi te reconduire et te recoucher. » Mais Fourcy ne voulut pas le laisser rentrer dans sa chambre. « Ta mère nous entendrait. Que lui dirions-nous ?